Bonjour à toutes et toutes et bienvenue sur l'antenne de Radioactive. Vous nous écoutez sur deux fréquences, le 93 si vous êtes plutôt du côté de Montlouis-sur-Loire et le 94.7 si vous faites partie de la communauté de communes du Val d'Amboise. C'est l'heure du MAG, le MAG d'Actu, une émission où on relaie les initiatives locales. Aujourd'hui, on reçoit une Nazelloise qui va migrer vers le pôle 21 de Lussot-sur-Loire pour vous proposer de développer votre créativité avec une toute nouvelle activité qu'elle va nous présenter. Il s'agit d'art plastique, mais avec un ingrédient supplémentaire qui est le bien-être. Notre invitée s'appelle Claire. Claire Tahan, bonjour. Bonjour. Alors, ce n'est pas une première pour Claire d'être derrière le micro radioactif, puisque on peut l'avouer à nos auditeurs, on se connaît un petit peu, on a déjà travaillé ensemble. Oui, j'étais référente jeunesse à la MJC d'Amboise avant. Voilà, donc on avait l'habitude d'être derrière le micro, mais alors avec plein de jeunes autour de nous, rarement exactement. Toutes les deux, je crois que c'est une première pour le coup. Oui, c'est une première. Alors Claire, justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours avant qu'on en vienne à cette activité que vous allez nous présenter ? Vous venez d'où ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Je sais qu'il y a eu des voyages, il y a eu des formations, plein de choses intéressantes. Voilà, je suis un peu une vadrouilleuse. Donc du coup, je suis née à Dieppe, en Normandie. J'ai vécu toute mon enfance en Mayenne. Et puis après, dès mes 16 ans, je suis partie un an aux États-Unis avec des programmes d'échange. Et ensuite, je suis revenue faire mes études en France. Puis, je suis repartie en Erasmus en Allemagne, donc Mayence, Leipzig aussi, un an dans l'est de l'Allemagne, à 2 heures de Berlin, et également Fribourg. Et là, j'ai vécu 3 ans à Fribourg, et puis j'ai vécu à peu près 10 ans en Alsace. Donc, je parle allemand, anglais et français. Je croyais qu'elle allait nous dire alsacien. Je parle alsacien également. Non, juste, je connais comment on dit les gâteaux de Noël en alsacien. Parce que voilà, je les cuisinais, j'étais aussi, j'ai fait différents métiers, dont médiatrice culturelle, et je me suis transformée en alsacienne le temps d'une saison, voilà. Et puis alors, à côté de cette activité qu'est l'animation, hein, qui est vraiment au centre de tout dans votre vie, qui est une véritable passion d'ailleurs pour vous, autant que l'art plastique et le bien-être, puisque ça fait partie vraiment des choses qui vous portent, vous avez justement fait une formation en yoga et pour ça, vous êtes partie en Inde. Oui, tout à fait. Wow. 2019, je suis partie en Inde et je me suis formée en Hatha yoga traditionnel. Alors, il y a différents types de yoga. Le Hatha, c'est ce qu'on retrouve le plus, c'est ce qu'on connaît le plus. On va rester quelques secondes dans les postures. Et puis, le yoga, ce n'est pas que la posture. C'est aussi toute une pratique spirituelle, en tout cas pour moi. Mm-hmm. Et c'est vrai que je m'intéresse à plein de techniques de bien-être autour du yoga. Donc, je me suis aussi intéressée au yin yoga, qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus... Par exemple, pour les personnes qui ont des problèmes de santé, c'est idéal parce que ça va très lentement et on ne force pas sur les articulations. Donc, on va vraiment être dans la mobilité, le développement de la mobilité aussi. Voilà. Alors, forte de toutes ces expériences de méditation, de yoga et de tout ce qui fait votre personnalité, quand on vous connaît un petit peu, Claire, vous êtes une artiste, c'est-à-dire que vous êtes déclarée en tant qu'artiste et vous faites de l'art plastique notamment, mais pas que. C'est ça. Alors, oui, je reviens du coup sur le côté artistique. En fait, on va dire que je peins depuis que je suis toute petite. Enfin, il n'y a pas un... moment où je me dis j'ai appris à peindre là parce que je me souviens pas quand j'ai appris à peindre ou à dessiner. En fait, c'est arrivé très très tôt dans ma vie, donc je suis un peu née le crayon à la main. Ma mère, quand j'étais petite, elle avait même pas à m'expliquer comment mélanger les couleurs, je les mélangeais par moi-même et c'est moi-même qui faisais mes propres mélanges et qui découvrais en fait comment associer différentes couleurs. Et j'ai même fait un master en histoire de l'art en fait à Tours. Ah oui, alors, un volet qu'on n'avait pas encore. Mais non, c'est ça. Alors, vous êtes restée à Tours, du coup, pour faire ça. C'est ça, j'ai fait Tours. Ensuite, je suis allée habiter en Alsace. Ensuite, je suis revenue dans le coin. Okay. Voilà. Donc oui, artiste, c'est vraiment qui je suis dans le... C'est dans les tripes, en fait. Hein. L'art, c'est quelque chose qui nous porte. C'est quelque chose où je pense qu'on est vraiment artiste. On ne peut pas s'arrêter de peindre, de dessiner, de s'exprimer, en fait. Oui, là, on parle de peinture, mais il y a le dessin. Il y a quoi d'autre ? Vous êtes... Voilà. Vous touchez à tout ? Oui, je touche un peu à tout. Disons, je touche pas mal tout ce qui est loisirs créatifs, qui est pour moi de l'art, en fait. Mmh. Donc, ça peut être de la pyrogravure, ça peut être du collage de serviettes, ça peut être de la réalisation de bijoux. Et puis, tout ce qui est vraiment art plastique. Et du coup, là, ça va être de la peinture. Ça va être beaucoup de peinture et différents types de peinture, mais aussi un petit peu de dessin. et également des arts qui sont liés, alors là c'est plutôt dans ma pratique personnelle, avec de la danse et du chant aussi, du chant intuitif, de la danse intuitive. Et vous exposez toutes vos créations ? On parle de peinture, Oui, on peut voir. Alors, ma dernière expo, elle était, c'était pendant les ateliers mode d'emploi. C'est une, c'est un événement départemental où on ouvre nos ateliers et vous pouvez venir découvrir notre travail en tant qu'artiste. J'ai fait cette année aussi Possé-sur-Scie, le château. Je suis dans l'association Artistes en Val d'Amboise. D'accord, oui, ben oui, oui, on salue Monsieur Poitvin qui était venu nous parler de cette association notamment. Ah, vous avez plein de cordes à votre arc, Claire. Et du coup, vous vous êtes dit, eh ben, cette passion qui vraiment m'anime, j'ai envie de la partager. Exactement. J'adore partager ce que je sais faire et j'adore ce contact en fait avec les différents publics. Donc j'ai déjà travaillé avec des personnes adultes, des enfants, des petits, des grands, des personnes âgées. Vraiment, j'adore ça. En fait, j'aime bien cet échange qui se crée et ces relations qui se créent. Parce que bah, une de mes valeurs, c'est la convivialité. Mmh. Et du coup, à travers ces ateliers art plastique et bien-être que je veux mettre en place, c'est cette valeur, finalement, de convivialité, de véhiculer cette notion de créativité. Et puis, bon, on va pas se mentir, un peu de folie aussi. Parce que je trouve qu'on n'a pas assez de folie et de jeu dans notre vie. Donc, j'ai aussi envie d'amener ça. Donc, avec les enfants, ça va être plutôt l'art et le jeu. Et avec les adultes, ça va être plutôt l'art et le corps. Voilà. Alors, ça va être un pourquoi ? Parce que justement, il y a quelque chose qui s'est construit et qui va démarrer à partir de la semaine prochaine. Ce sont des ateliers. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler de ces ateliers, justement ? Oui, alors, les ateliers commencent mardi prochain pour les adultes, de 18h30 à 20h, au pôle 21 à Lusseau-sur-Loire. Mercredi, à 16h30 jusqu'à 17h30 pour les enfants de 6 à 12 ans. Alors, ce dernier atelier a la possibilité de devenir un atelier transgénérationnel. Avec les grands-parents. Avec les grands-parents. C'est des demandes que vous avez déjà, apparemment. C'est ça, c'est une demande. Donc, moi, je trouverais ça très intéressant. Et ce que j'imagine développer, je trouverais ça vraiment génial. Alors, les deux premiers ateliers, en décembre, pour les adultes et pour les enfants, sont gratuits. En fait, ça permet vraiment de venir découvrir, de voir si ça nous plaît, de voir si ça match. Et ensuite, en janvier, on commence notre petit programme. Alors, c'est un programme, on va dire, c'est une idée thématique. Et après aussi, je m'adapte aux besoins et aux demandes des personnes qui sont présentes. Oui, c'est ça, les thématiques, elles évolueront, elles changent. Exactement, ça peut changer d'une fois sur l'autre. Quand je prépare un atelier, je le fais. Ensuite, on voit ce que ça donne. Et ensuite, la fois d'après, si j'ai des retours sur « Ah, bah, je voudrais aller plus loin dans ça », eh ben, on va plus loin dans le zentangle, on va plus loin dans les mandalas, on va plus loin dans la méditation. Ça dépend ce qui est demandé. Mmh. Voilà. Ah, donc justement, concrètement, le concept, on l'a bien, hein, on imagine, voilà, pratiquer une activité créative, artistique, tout en développant son bien-être. Dans le concret, ça va se passer comment ? C'est-à-dire que je fais des exercices de respiration et ensuite je colorie mon mandala. Enfin, qu'on imagine un petit peu comment ça va se passer. Alors, c'est ça. Bon, juste un petit aparté. Souvent, les artistes, faire de l'art n'est pas forcément véhicule de bien-être. Il y a des artistes qui sont torturés ou qui ont été torturés. Donc, art et bien-être, il y a quand même une démarche spécifique. Mmh. Hein, donc, toutes les techniques artistiques, comme on a une grande sensibilité en tant qu'artiste, des fois, on va trop loin dans l'émotion, on n'arrive pas à s'en détacher. Mmh. Donc là, on va en effet utiliser du travail de respiration. Moi, en début de séance, j'imagine en effet un petit travail, soit sur la respiration, soit on va mettre une petite musique, on va se détendre au niveau du corps, soit on va se faire une visualisation, soit ça va être des petits exercices de théâtre. En fait, ça va dépendre, mais l'idée, c'est de se détendre et de se relâcher dans son corps, de lâcher le mental et de pouvoir être là pour son heure et demie ou son heure de séance et s'éclater. Voilà. Donc il y a cette première partie. Ensuite, eh bien, on passe à la phase de création. Ça peut être de la création, mais ça peut être aussi des réflexions. Là, pour la semaine prochaine, par exemple, pour les adultes, j'imaginais quelque chose de plutôt issu du développement personnel pour faire son bilan de cette année. Ah oui. Donc, ouais. Ah oui, ça tombe bien. Voilà, c'est ça, comme je commence les cours en fin d'année, en début d'année, l'idée c'est d'aller sur le bilan de la fin d'année et de faire son projet pour l'année prochaine. Oui. Mais en image, voilà. Et puis en fin de séance, je voudrais un retour justement sur soi, ce que ça nous a apporté, peut-être des gratitudes. voilà, ce retour à soi et à se reconcentrer sur soi. Il y aura aussi des ateliers où ça sera collectif. Ok. Donc là, où on fera peut-être une ronde, peut-être ce côté, ok, qu'est-ce qu'on ressent ensemble ? Comment on crée ensemble ? Ah oui, avec une œuvre collective, voilà. Pas seulement exactement. Un temps de bien-être, ouais, exactement. De recherche du bien-être collectif. Voilà. Donc il y aura deux individuels et il y aura du collectif. Parce que pour moi, le collectif, c'est très important. Je pense que ça nous apporte énormément. Mm. Je pense qu'on a besoin des deux dans la vie. Et du coup, bah, je vais faire les deux. Voilà. Alors, j'allais vous demander à qui ça s'adresse, mais finalement, vous l'avez déjà dit. C'est-à-dire que vous pouvez accueillir aussi bien des enfants que des adultes. Mm-hmm. Il n'y a pas de barrière. À partir de quel âge, peut-être ? À partir de 6 ans. OK. Ouais. Pour les mercredis et pour les mardis, c'est quand même important que les personnes aient au moins, je pense, 15 ans. Les ateliers du mardi sont vraiment des ateliers orientés adultes, alors que les ateliers du mercredi sont plus adaptables soit sur du enfant, soit sur du intergénérationnel. Le mercredi, il y a vraiment vu ce que j'ai en tête, c'est vraiment très adaptable. Et de l'intergénérationnel, ça me passionnerait, en fait. Voilà, je trouve que c'est une idée extraordinaire et j'aimerais bien mettre ça en place. Ce serait top. Et alors, ça va se passer au tiers-lieu Pôle 21. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, si vous situez l'aquarium de Lussault, bah, vous êtes au bon endroit puisque c'est juste en face. Donc, c'est là que vous allez vous trouver, Claire. Voilà, tout à fait. Vous donniez pas déjà des cours là-bas ? Si, je donnais des cours il y a 2 ans à mon arrivée en Touraine. Voilà, j'ai donné des cours une fois par mois pendant 6 mois. Et puis après, bah, j'ai déménagé et je me suis dirigée vers l'animation. Et alors, le yoga dans tout ça ? Et bah, le yoga, je vais aussi mettre en place des cours de yoga. Donc, c'est un cours de préparation. Voilà. Je suis déjà déclarée en tant qu'artiste-auteur, donc je pouvais commencer cette activité tout de suite. Il n'y avait pas de barrière. Pour le yoga, j'ai besoin de me renseigner un petit peu plus sur comment me déclarer. Et à partir de là, je mettrai mes projets de yin yoga en place. Donc, j'ai plus tendance à aller vers le yin yoga, peut-être avec quelques mouvements de hatha yoga, mais le yin yoga, en fait, la différence, c'est qu'on va rester longtemps dans les postures, entre 3 à 5 minutes. Ah oui. C'est des postures où on est à l'aise. Hein. Il y a plein de coussins. L'idée, c'est que ça fasse pas mal. Si ça fait mal, c'est qu'il y a un problème. Mmh. Et puis, on développe, en fait, des techniques. Moi, je fais pas mal de techniques qui permettent de détendre le nerf. En fait, ça vient de la théorie polyvagale. Et on a un nerf vagal qui a besoin d'être détendu. Et il y a des exercices qui existent pour ça. Le yin yoga en fait partie, mais il y a plein d'autres techniques qui existent. Et en fait, que j'applique intuitivement. Et je me suis toujours intéressée à ces techniques comme de l'automassage. Réflexologie. Voilà, notamment. Exactement. Tout à fait. Automassage et réflexologie, ça peut être du yoga des yeux. Voilà, il y a plein de variantes, mais on va dire que le yin yoga, c'est vraiment... Si vous cherchez quelque chose où vous allez vous épuiser, ça ne va pas être là. Hein, si vous êtes stressé et fatigué, vous avez besoin de vous ressourcer, alors le yin yoga, il est vraiment là, il est vraiment là pour ça. Et ça fait vraiment du bien. Même en tant que prof, vraiment, ça... Moi, ça me nourrit énormément, en fait. On imagine que s'il y a autant de personnes qui vont vers cette discipline, c'est qu'il y a une plus-value certaine à la pratiquer. J'ai même eu quelqu'un qui s'est endormi en ronflant dans un cours de yin yoga. Bah, c'est que c'est gagné. Ah là, c'était génial. Donc ça, ce sera pour un petit peu plus tard, mais en attendant, voilà, il y a cette nouvelle activité que vous proposez, c'est-à-dire les ateliers art plastique bien-être pour développer sa créativité au Pôle 21 à partir de mardi 10 décembre et puis également mercredi 11 décembre. La Calira Claire, c'est quoi ? C'est votre nom d'artiste, c'est ça ? C'est ça, c'est mon nom d'artiste et c'est quelque part un petit peu ma marque parce que finalement, même en tant que prof de yoga, je m'identifie à ça. Donc je ne veux pas qu'on m'appelle la Calira Claire, mais je vais forcément signer un tableau La Calira Claire parce que ce nom a une histoire. Calira, c'est quelqu'un à la base qui a fait une erreur sur mon prénom. Ah ! Et qui a écrit Calir, c'était quelqu'un qui avait de la dyslexie, je crois. Et, du coup... et qui travaillait à l'état civil à l'époque. Voilà, et du coup, de Calir, c'en est devenu Calira avec un K, parce que le K, c'est mon amour pour l'Allemagne. Voilà. Mmh. Et le A, j'ai toujours voulu m'appeler Clara, j'ai toujours voulu un prénom qui terminait par un A. Donc, c'est devenu Calira. Et puis, quelques temps plus tard, il y a eu Claire qui est revenue. Parce que je me suis dit, ouais, Claire, mon prénom. En fait, au niveau étymologique, Claire, c'est apporter de la lumière. Donc il y a des choses à découvrir. Il y a ce côté éclaircir des situations aussi. Puis les auditeurs ne le savent pas, mais Claire a des grands yeux bleus en plus. Hein. Voilà, Claire l'a bien nommé. Voilà. Et donc du coup, la Calira Claire, ça a aussi ce côté un peu en courbe. Et mes tableaux, si vous les voyez un jour, eh ben, ils ont ce côté très courbe, très dans la douceur et très dans ces couleurs chatoyantes en fait. Et du coup, ce nom d'artiste, je trouve qu'il représente mes tableaux. Mais justement, ces tableaux, on peut les voir quelque part. Il y a un site internet, une plateforme qui permettrait de... Alors, j'ai Instagram et Facebook. OK. Et le site internet est en cours de réalisation. Mmh. Et sur Insta et Facebook, on vous trouve comment? Alors, ça, c'est @. Et là, ensuite, Calira avec un K, Claire. Très bien. Alors, pour ces ateliers qui auront lieu mardi 10 et mercredi 11, en tous les cas pour les premiers, on rappelle que mardi, c'est pour les adultes, mercredi, plutôt pour les enfants, en fin de journée, donc ça a bien été pensé pour la disponibilité. Exactement. Et c'est sur inscription, c'est-à-dire que j'ai besoin de savoir combien il y a de personnes qui viennent. Et surtout, c'est limité à 10 personnes pour la qualité, en fait, de l'intervention. Mmh. Et alors, justement, comment on fait pour s'inscrire? Alors, vous pouvez me contacter par téléphone au 06 59 66 89 98 ou par email à lakaliraclaire, donc lakaliraclaire, @gmail.com. Est-ce qu'il faut amener son matériel ou est-ce que vous le fournissez, Claire? Alors, pour les premières séances, j'avoue que je vais quand même ramener du matériel, mais si vous avez au moins la trousse d'écolier, ça serait top. Avec les ciseaux, la colle et les crayons. Et puis, pourquoi pas une feuille canson A3. Voilà. Okay. Mais j'aurai forcément des matériels secours. Parfait. Le pôle 21, c'est situé au lieu-dit Les Hauts-Boeufs à Lussot-sur-Loire. Donc rendez-vous avec Claire mardi pour les adultes à 18h30 jusqu'à 20h. Et puis mercredi pour les 6-12 ans de 16h30 à 17h30. On rappelle que c'est une offre de lancement. Donc aucune hésitation à avoir puisque vous ne risquez rien à part vous dire que bon, c'est super et que vous allez revenir. Eh ben, merci beaucoup Claire d'être venue sur l'antenne de Radioactive pour nous parler de ces beaux projets. Un petit mot pour les auditeurs? Oui, déjà, je voulais remercier Marlène également pour m'avoir accueillie. Et puis, venez vous amuser, venez créer et venez expérimenter votre folie avec moi. Merci Claire. On va se quitter en musique avec une chanson que vous avez choisie. Papouze avec Ulysse on the Sea. Alors, est-ce qu'on va retrouver le petit grain de folie de Claire dans cette chanson? Oui, peut-être. Après, il y a le côté voyage aussi qui revient. Mmh. Je trouve avec Ulysse on the Sea, j'ai l'impression qu'on est un peu sur une musique qui danse légèrement. C'est comme si on était un peu en transe tranquille. Voilà, on finit le travail et on se sent bien dans la voiture. On a envie d'écouter ça. Ben, c'est parfait pour clôturer cette émission. Et ben, c'est parti, on écoute. Hein. In and out, I see with you, sailing under the rain. The only color of my blues is made of dust and sand. Drifting, it's every day the same. Clouds pass me by, and I'm bound to take my time until I found you. Send me home to you before the harvest starts again. And if the light comes shining through, will you still recall my name? Drifter, it's every day the same. Clouds pass me by, and I'm bound to take my time until I found you. I've been here and almost everywhere. I sailed the seven seas while you sat down on your chair. You've been good to me, have I been good to you? Lost in the ends of gravity, soon I'll get back to blue. Drifting, every day the same. Clouds pass me by, and I'm bound to take my time. Clouds pass me by, and I'm bound to take my time until I find.